C'est fou cette histoire de roue. Non, moi, mais ça c'est me... hyper intéressant. Ah, mais oui, oui, mais je suis là. Vous étiez en train de discuter là, non? Ah, ne me dites pas que vous êtes encore sur cette histoire de roue. Non. Bah si, j'ai bien compris, c'est comme ça. En fait, oui, on se pose des questions sur ces apéros réservés aux roues. Et moi, je ne veux plus entendre parler de ce djihadisme à cajou là. Oh, on est déjà beaucoup plus loin dans les réflexions. Ah bon, par exemple. On se demandait, par exemple, Giroud. Ah, est-ce qu'il est bienvenu aux apéros? Bonne question. C'est une bonne vanne, merci. Mais c'est pas du tout une vanne. On réfléchit à ça sérieusement depuis ce matin. Il peut y aller ou pas? C'est une blague. Pas du tout, le mec s'appelle Giroud. Imagine, peut-être il n'aime pas les roues. Mais dites donc, mais c'est qu'on a solidement réfléchi depuis ce matin. T'imagines un type qui s'appelle Michel Gouin et qui est homophobe? Non, mais je suis consternée. Bah oui, c'est consternant. Comme exactement. Quoi, c'est un bon sujet. Ah bah oui, ça ouvre des portes de réflexion insoupçonnées. On va le prendre, ce sujet. Uniquement pour que vous arrêtiez d'en parler, oui. Okay. Allez, les filles, hop, on me cherche des sons, vous m'apportez des articles sur les roues, là. Ça marche. Dis Charline. Tu sais ce que c'est exactement qu'un nihiliste, toi? Ça vient du latin nihil, qui veut dire rien. C'est ça, j'aurais dit ça. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui croit en rien. C'est ça. J'espère que notre invité n'est pas nihiliste. Mais pourquoi? Sinon, on aurait des problèmes avec son nom. Nicole Croisy? Tu peux pas être nihiliste et t'appeler Croisy. Je fatigue. Croisy. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Notre invité est consterné par le jeu de mots qu'on vient de faire. On débrief. Non, pas à ce point-là. Là, vous êtes en train de régler vos problèmes personnels avec les... Mais c'est pas moi, j'ai pas dit que j'étais consterné. Merci. J'ai dit que c'était mieux quand même que la croisée du chemin qu'on m'avait déjà faite. Ah, vous la faites aussi celle-là. Depuis longtemps, oui. Notre référent de la République est déjà bien présent ici dans l'émission qui va chercher l'actualité avec les dents. Et voici les trois informations dans lesquelles on va mordre jusqu'à 18h. La seule profession qu'ont exercé nos politiques, c'est... la politique. Oui, la plupart de nos dirigeants n'ont jamais travaillé et ça commence à se voir. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Les conférences ne sont plus le seul lot des universitaires, les sportifs, les philosophes et même les politiques encore, eux, arrondissent leur fin de mois sur scène. Un catalogue est disponible, vous pouvez par exemple louer François Fillon. Marquet aurait pu avoir pire et a pu choisir un collaborateur de François Hollande. Tout est prétexte à organiser un apéro, même être roux. Les roux se réunissent pour se moquer d'eux-mêmes. C'est toujours plus subtil que de laisser faire les autres, surtout Vizorek par exemple. Ma chevelure vous irrite, je la laisserai pousser. Oui, je suis accompagnée de celui qui aime les blondes, les brunes ou les ambrées, si possible. À la pression, c'est Alex Vizorek. C'est pas faux, bonjour Charline Vanhoenacker. Alors je vous présente l'équipe qui, d'habitude, est autour de la table, mais ici pas entièrement. Alors vous allez comprendre, à 17h20, lui il est là, l'homme qui ressemble à un boxeur poids Walter à la retraite, mais qui ne ferait pas de mal à un colibri. Et pour cause, il ne voudrait pas abîmer une de ses plumes qui lui permet d'écrire un poème sur le fait qu'il n'a malheureusement jamais été un poids Walter. Bravo. Bonjour Samir Bouadi. Bonjour chers amis, bonjour. Je vais vous parler de rugby, de guerriers maoris et de l'art de se faire peur. Eh bien à 17h30, alors il n'est pas là lui, car il passe la semaine au café, à la compagnie du café théâtre, à la compagnie du café théâtre de Nantes. Allez-y si vous êtes dans le coin. Et voilà, il s'est bien gardé de nous le dire vendredi dernier quand nous étions à Rennes, mais il nous a laissé un petit best-of, c'est Guillaume Meurice, et le best-of aujourd'hui, c'est la manif de la FNSEA. Alors, est-ce que les gens avaient aimé le reportage de Guillaume sur place? Non, bon, faut pas dire ça. Ça va être mal interprété par les médias. Voilà, on en saura plus tout à l'heure à 17h40. Elle est à côté de moi, celle qui a beaucoup plus de charme à 40 ans qu'à 20 ans, un petit peu comme le rhum brun. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour, et ben moi je vais vous parler d'un roman qui rend hommage à une chanteuse parce qu'on reçoit une chanteuse. Et pour citer Jean-Jacques Goldman, je voudrais qu'elle sache qu'il est dommage de ne le faire que par la voix. Voilà. Aujourd'hui, ça vous, on l'a déjà entendu, le voix du référent de la République qui préside cette émission. Vous interprétez Un homme et une femme, la chanson du film de Claude Lelouch en 66, quand les Beatles donnent leur dernier concert. Vous chantez Téléphonez-moi en 75, c'est l'année de formation des Sex Pistols. Et vous jouez dans la série Dolmen sur TF1 en 2005, quand Angela Merkel devient chancelière. Vous êtes, je vous laisse nous le dire de votre voix. Oh bah oui, je suis pile poil quoi. Et on reçoit pile poil. Ouais. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Au bon endroit, au bon moment, dites-vous, Nicole Croisy. Oui, c'est l'histoire de ma vie. Je n'ai jamais été au bon endroit, au bon moment. Mais j'ai toujours proposé les bonnes choses. Ah bon? Alors après, ça se décale ou c'est assez étrange. Je me retrouve à New York. au Broadway Théâtre, mais je suis avec les Folies Bergères, donc je suis spectacle français. Et ensuite, quelques années plus tard, je suis au Châtelet à Paris, mais je fais Hello Dolly avec une troupe américaine. C'est ça que j'appelle être au bon endroit, au mauvais moment, ou inversement, c'est comme on Alors veut. Là, j'espère que vous estimez être au bon endroit quand vous êtes au Théâtre de la Porte Saint-Martin avec Irma la Douce, oui. Comédie musicale d'Alexandre Bréfort, mise en scène de Nicolas Briançon. Avec... Musique de Marguerite Monnot, ne l'oublions pas. Mais ne l'oublions pas, avec Marie-Julie Baupe et Laurent Deutsch. Oui. Alex Vizorek est allé vous voir. Alors, je vous laisse entre ses mains, si je puis dire. Et alors, la première chose que je voulais vous demander... Qu'est-ce qu'on doit dire au public ? Est-ce que c'est une pièce avec des chansons dedans ? Est-ce que c'est une comédie musicale où on y parle beaucoup ? Parce qu'on est vraiment entre les deux. Mais non, on est dans une vraie comédie musicale, c'est dans le titre. Si les Français faisaient attention à la langue française, ils verraient que comédie, c'est une pièce. Indéniablement. Ça peut être une comédie dramatique par moment. Mm-hmm. On va pas tout mettre, sinon ce serait trop long comme vous, en tête. Vous mais direz, on arrête et le pitch. Une comédie avec des chansons dedans qui sont... La continuité de l'histoire, c'est ça la fameuse fabrique des comédies musicales américaines. C'est toujours une pièce qui tient la route. On pourrait enlever les chansons, c'est sauf vrai. Que comme les chansons sont la continuité de l'action, elles sont incluses à l'intérieur, c'est miraculeux quand la chanson peut être extraite et faire du succès. C'est ce qui s'est produit justement avec celle-là, parce que Marguerite Monnot avait le don de faire des chansons très populaires, avec des très jolies mélodies, en tout cas pour celles qui concernent le personnage d'Irma, puisque moi j'ai autre chose, moi j'ai des chansons avec tous les mauvais garçons et tout, donc c'est plutôt l'abattage rythmique, mais elle a les ravissantes chansons que tout le monde connaît d'ailleurs. Vous êtes la patronne d'un... Voilà, et c'est trop qu'on a créé ce personnage, il existait sous la version masculine, et pour une fois c'est la femme qui a gagné. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, surtout Briançon, il a dit, il n'y a pas cette femme dans cette pièce, c'est pas possible. Il nous faut une fille de plus. Et à ce moment-là, ils ont dit, au lieu de garder le patron du bar... qui, évidemment, était un patron de bar des années 50. Qui est un bar où on ne fait pas que boire. On joue aux cartes, et puis il y a les filles qui arrivent, et puis qui viennent verser leur récolte de la journée, on va dire. Et c'est très difficile de parler, sans être péjoratif jamais, sans utiliser un mot péjoratif, de parler de ce petit monde de Pigalle. Parce que dès qu'on dit putain... En tout cas, qu'on ait une femme, c'est très désagréable. C'est un mot que je n'ai pas envie de dire. Pas dans comme ce... je ne veux pas dire pédé non plus. C'est des termes que moi, je n'ai pas envie de dire. D'accord, c'est très difficile de m'arrêter. Il faut que vous fassiez bip bip. Si vous faites bip bip, je m'arrête. Je vais faire des grands gestes. Parce que je vais avoir la bêtise de vous relancer. Okay. Mais non, c'est le champ lexical qu'on y entend. On parle de cave, on parle de grisby, on parle de môme. Donc, on y parlerait de putain qu'on n'est pas dans le même genre de vocabulaire que celui d'aujourd'hui. C'est les années 50. On est dans celui des années 50. On est dans l'argot de Pigalle. Un peu Audiard, d'ailleurs. Exactement. Il y a beaucoup de références du même style que ce que faisait Audiard. Mais il faut dire qu'Alexandre Bréfort, je continue. Dès que vous entendez la chanson, c'est qu'on vous a coupé. J'ai toutes les infos. Hein. Alexandre Bréfort était journaliste au Canard Enchaîné, quand même. Ah. C'est quand même intéressant de savoir. D'où un esprit un peu comme ça. Oui, voilà. Oui. Et caustique. Et il y a beaucoup d'humour. Et l'atmosphère des années 50. Et je vais juste pitcher parce que. Alors allez-y. Comme ça, je vais le faire vite. Moi, c'est moi qui vais le faire. Oui. Donc, c'est Laurent Deutsch qui tombe amoureux d'une môme et qui ne veut qu'elle n'ait que lui comme client. Elle lui dit non. Et il se crée un double pour être son deuxième client. Et la fille commence aussi à adhérer à l'autre. Et puis, évidemment, c'est quand même un excellent pitch de départ. Après, je ne peux pas raconter la suite parce qu'il se passe plein de choses derrière. Nicole, est-ce que vous cautionnez ? Un oui me suffira ? C'est déjanté. Un oui, peut-être. Il y a un petit détail, mais je le dirai plus tard. Allez-y, dites-le. Hein, elle est d'accord. Ils sont tous les deux d'accord pour qu'elle ait un bon client et un seul. Ouais. Qui paye bien. Ah bah oui. Et comme ça, ils pourront vivre tous les deux avec un seul client. Et comme ça, l'autre ne sera pas jaloux. Voilà. Et sa foire, évidemment. C'est Irma la Douce, comédie musicale que vous pouvez voir au théâtre de la Porte Saint-Martin avec notamment Marie-Julie Baupe, Laurent Deutsch. Nicole Croisy est avec nous jusqu'à 18h. Everybody was kung fu fighting. Il a soufflé dans l'oreille en régie, ils sont chauds. Carl Douglas sur France Inter avec à la réalisation Benjamin Riquet qui est chaud comme 20 gaufres. Et autour de la table, il y a ceux qui restent. Il nous reste du Samir Bouadi et du Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice est à Nantes, mais il nous a laissé quand même un petit souvenir. On l'écoutera en best-of à peu près 17h35 par là. Voilà. On n'est jamais vraiment à l'heure. Nous sommes avec Nicole Croisi jusqu'à 18h. On est ravis. Et Nicole, on va vous informer. Parce que voilà, depuis 20 minutes, on n'a pas d'informations. Il s'est passé des choses dans le monde. Oui. Allez, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Mathieu Valbuena et Djibril Cissé embarqués dans une affaire de sextape. Deux anciens de l'OM arrêtés par la police parisienne. C'est ça peut-être le plus louche. Air France a un nouveau DRH, Gilles Gâteau. Courage à lui, parce que là, pour se rabibocher avec les syndicats, ça va pas être de la tarte. Et il y aura des brèves, parce que je le sais, les auditeurs aiment ça. Et on commence par l'événement du jour, c'est la garde à vue de Djibril Cissé qui aurait tenté de monnayer une sextape de Mathieu Valbuena. À noter que Cissé n'a passé qu'une nuit en garde à vue et ne devrait pas être plus inquiété que ça, mais ça a failli être bien pire puisqu'en voyant les images, les enquêteurs ont d'abord cru une sextape avec un enfant avant de finalement réaliser que c'était Valbuena. C'est moche. Politique à présent. Politique avec le coup de gueule de Jean-Luc Mélenchon ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, quand il lui parle du possible emprisonnement des syndicalistes d'Air France, Méluche s'enflamme. Vous savez quoi ? Je viens aller en prison avec eux. Vous savez quoi ? Je viens aller à leur place. Et parce qu'ils ont des gosses à s'occuper. Et moi, ça va. Mes gosses, ils sont élevés. Je viens aller à leur place. Eh ben, alors, je sais pas si légalement c'est autorisé, mais moi, je dîne pas non à cette solution. Donc, si Christiane Taubira nous entend, traitez quand même cette demande. Air France, toujours. Alors, on connaît le nom du nouveau DRH. Il s'agit de Gilles Gâteau, ex-directeur adjoint du cabinet de Manuel Valls à Matignon. Ah, spécialiste des entreprises en crise, donc. Alors, il a fait une première déclaration à son nouveau poste, Charline. Oui, il a dit « je vais mouiller la chemise ». Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et malgré tout, on lui souhaite le meilleur. Et vous savez quoi ? Bah, je propose qu'on fête l'arrivée de Gâteau. Joyeux anniversaire. Non, ne l'encouragez pas. Je suis assez content. C'est brillant. Nicole Croisi se sacrifie. C'est brillant. Beau travail d'équipe. Voilà. Passons à la suite, s'il vous plaît. Oui, le scandale Volkswagen bientôt au cinéma. Les choses vont vite à Hollywood. Oui. Une adaptation avec Leonardo DiCaprio serait déjà en route. Waouh, il va devoir travailler le rôle. Hein. Je pense qu'il n'a jamais conduit une polo. Oui, en tout cas, ça va être un beau film. Oui. C'est beau, c'est quoi ? C'est une voiture. Waouh ! Et si tu te mets près du pot d'échappement, dehors, ça décoiffe. Oh ! Mais ça sent quoi ? Le diesel. Oh ! J'adore le diesel ! Tu sais, j'ai même pas de filtre, c'est une Volkswagen. Oh, t'es le plus fort ! Je sais, I'm the king of the world ! Merci. Voilà. Brillant. Parlons de Playboy à présent. Ah, je suis à votre disposition. Non, pas de vous, Alex. Le magazine coquin Playboy décide d'arrêter les photos de nus intégrales pour se concentrer sur la couverture. Hein. Sur les articles. Donc Playboy, je pense, est dirigé par une femme maintenant. Bah, pourquoi vous dites ça ? Bah, parce qu'il n'y a qu'une femme. Pourquoi qu'on préfère ce qui se dit à ce qui se voit ? Oui, télévision à présent. Donc Arte diffuse toute cette semaine à pleine dent avec Gérard Depardieu. Ah, bah voilà, Arte se lance dans la télé-réalité. Mais non, c'est une série documentaire dans laquelle il se balade à travers l'Europe et il mange de la bonne bouffe et des produits du terroir. Bah. Oui, c'est de la télé-réalité. Ouais. Et on termine par deux brèves. Suède, des hipsters barbus, donc. Pris pour des terroristes de Daesh, leur rassemblement interrompu par la police. Oui, les voisins ont vu des barbus, Nicole, et des drapeaux noirs. Ils ont cru qu'ils étaient en présence de terroristes de l'État islamique. Je propose donc qu'on se venge en bombardant Daesh de CD de Sébastien Tellier, de casquettes et de pâtes sans gluten. Et enfin en France. Alors là, accrochez-vous parce que c'est du lourd. Tarn, des rugbyman intoxiqués par l'eau du pastis. Ah oui, terrible. Et oui, certains se sont plaints de quelques nausées, d'autres ont également décrit des pertes de poids. La bactérie de type salmonelle semblait se trouver dans l'eau du stade. C'est donc la découverte scientifique du jour, le pastis n'est pas un bon antibactérien. Comme voilà. Quoi, buvez du pastis, mais sans eau, hein. C'est important de le dire. Toujours, sinon c'est pas une boisson d'homme. Oh. Éventuellement un glaçon, mais pas trop, parce que attention au mélange, n'est-ce pas? Eh oui, vous êtes sur France Inter, après ces petits conseils d'apéro, avec Nicole Croisy, que vous pouvez voir dans Irma la Douce, comédie musicale au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et c'est pour ça qu'on va parler de politique maintenant. Rien à voir, premier sujet. À 20h, à 20h, je suis pas venue pour rien. À 20h, à 20h, Théâtre de la Porte Saint-Martin, 20h. On a une bête de promo ici, attention, ça va être du rodéo. Premier sujet, Nicole Croisy, en matière... 60 ans de métier. Ah oui, c'est vrai. Irma la Douce, Théâtre de la Porte Saint-Martin, 20h. Comédie musicale d'Alexandre Effort. Premier sujet. Alors, en matière de politique, nous n'avons affaire qu'à des professionnels. Oui, des politiciens de carrière. Mais ce professionnalisme ne nous rassure plus, au contraire. Qui n'est jamais travaillé, bien ça commence à nous inquiéter. Tout compte fait, c'est vrai qu'avec une école, même des bandits peuvent apprendre la politique. Écoutez. La politique, ça y est, c'est vrai aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. Mais Aldo, la politique, ça ne s'improvise pas. Il faut prendre des cours. D'ailleurs, il faudra prendre des cours. Alors, comme l'avait dit Simon, ils prirent des cours de politique, pour mieux saisir les nuances d'une époque basée sur le chantage et les otages. Là se trouvait désormais l'argent. Vous avez reconnu le film, Nicole Croisy ? Non. C'est un réalisateur qui, à mon avis, vous parle pas mal. Avec qui ça vous doit avez être le louche, alors. L'aventure, c'est l'aventure. Alors, les professionnels de la politique étaient dans le viseur du Parisien aujourd'hui en France ce week-end. Ne jamais avoir travaillé dans la vie civile, voilà qui commence à être critiqué pour un politique. Alors, Nicole Croisy, vous, est-ce que vous trouvez ça normal, finalement, qu'on soit politique de carrière et qu'on n'ait jamais rien fait d'autre, contrairement, par exemple, à Emmanuel Macron, qui a été banquier avant, on lui reproche. Ou est-ce que vous trouvez curieux qu'on se pose la question qu'aujourd'hui, parce que nos politiciens ont toujours été... Moi, je ne vois pas comment on peut devenir un politicien vers les 40 ans, on va dire, sans avoir rien fait. Je veux dire, ça n'existe pas, ça. Des gens qui font rien du tout. Alors, pas chômeurs, mais d'avoir fait quelque chose avant dans la vie civile. Ils sont élus, ils peuvent être élus dès 30 ans, par exemple. Ça, c'est des choses qui arrivent. Oui, mais enfin, jusqu'à 30 ans, il faut quand même bouffer. Par exemple, vous, qui avez travaillé... Il y a des parents qui casquent jusqu'au moment où ils deviennent députés. Ah, ça, les nains, ça coûte cher. Hein. Non, c'est plutôt une réorientation. Vous avez été dans le milieu culturel, vous avez vu comment ça fonctionnait. Est-ce qu'à un moment, si on vous avait dit, Nicole Croisy vient un peu nous aider au ministère de la Culture, est-ce que ça vous aurait intéressé? Ou vous seriez dit, non, moi je ne suis pas un politique, ça, je ne veux pas savoir comment ça fonctionne. Oui, non, j'y serais pas allée parce que je connais pas les ficelles. Tous les métiers ont des ficelles, faut pas se leurrer. Les boulangers, par exemple. Un métier, voilà, ils ont des ficelles, oui. Excellent jeu de mots, merci. C'était Samir Seydoux. Oui, c'est pas mal, vous avez bien fait de le glisser très vite, mais c'est pas mal. Nicole Croisy qui était sa fille, on m'a dit. Mais ça me paraît aberrant, quelqu'un qui n'a pas travaillé. Moi, je veux dire, j'ai commencé à l'âge de 18 ans à travailler, donc... Non, alors là, il ne s'agit pas de ne pas avoir... Oui, non, mais devenir politicien sans avoir travaillé, ils sont tous plus ou moins avocats. Oui, plus. Hein, Sarkozy, c'est une profession très représentée. Est-ce qu'il y a des grandes figures politiques qui vous ont marqué, Nicole Croisy? Le plus grand, c'était quand même De Gaulle, quoi. En taille, oui. Oui, en tout. En tout, il a été. Enfin, c'était un type qui avait été formé pour l'armée et qui s'est retrouvé quand même à la tête d'un pays à prendre décisions qui n'ont rien à voir, à mon avis, avec comment gérer une armée. Quoique. Oui, j'allais dire. Quoique. Et depuis, en 10 ans, je me suis dit une bêtise. Depuis De Gaulle, il y a des politiciens qui vous ont fait garder confiance en la politique. Non, mais moi, je... Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que vous vous enthousiasmez pour non, le... Non. Je trouve que ce n'est pas des très bons comédiens, donc... À partir de là, il y a beaucoup de comédiens qui se disent « si je devais faire ce type de discours, je vendrais la salade quand même beaucoup mieux ». Mais bon, c'est vrai. Il y en a qui mentent bien quand même. Il y a eu de très très bons menteurs en politique. Oui, mais enfin, est-ce que c'est à ça que sert la politique, moi? Est-ce qu'on apprend ça dans les écoles? En fait, peut-être qu'il faudrait au départ définir exactement qu'est-ce que c'est qu'un politique. On va le redéfinir, du moins. Redéfinir. À quoi ça sert? C'est vaste question. Oui, en fait, vous ne fermez pas les débats, vous les réouvrez. Oui, et ça, c'est bien. Voilà. C'est dans 3 semaines, on aura réfléchi. Plus j'ouvre pour parler, meilleur c'est. Allez, je vous dis. Irma Ladouze, théâtre de la Porte à Martin, 20h. 20h. Avec Nicole Croisi. Dès que vous dites un truc pertinent, je fais la promo. Ça, et voilà. Samir Bouadi, vous aussi, vous êtes pertinent. Ben, on va essayer. On va essayer. Enfin, vous le savez tous, hein, j'imagine, madame. Hein, on parle beaucoup, même à France Inter, de rugby. En ce moment, l'équipe de France de rugby, après sa prestation ratée, s'il en faut, face à l'équipe d'Irlande dimanche, va donc, chers amis, rencontrer la Nouvelle-Zélande samedi. Il s'agit d'un quart de finale de Coupe du Monde, ce qui est important. C'est pas rien. Et face aux All Blacks, chers amis, c'est juste plus que pas rien. Hein. Vous me direz, les joueurs néo-zélandais sont des hommes comme les autres. Hein. Deux bras, deux jambes, une grosse tête avec des oreilles en chou-fleur. Oui, oui, mais le truc, c'est qu'ils ont aussi ça. Ça, ce que vous entendez, c'est le haka. Un chant hérité des guerriers maoris, un truc qui fait vachement peur. Imaginez 15 bonhommes monstrueux, pétris de muscles et de talents, qui se frappent sur les cuisses, qui tirent la langue, qui ouvrent grand leurs yeux pour vous promettre des châtiments, toutes les douleurs, toutes les tortures. Alors la haine ici est figurée, ou plutôt défigurée. La grimace n'appelle pas le sourire, mais tente d'imiter celui d'esprit malveillant, tapis dans l'inconscience des malheureux qui osent affronter ces hommes venus d'un pays où la peur n'existe pas. Bon bah dit comme ça... C'est même pas la peine de les jouer, hein, les néo Z. Hein. Bah, autant rester chez soi ou aller au théâtre, vous voir. Hein. Bon, les Français, figurez-vous, les Français ont besoin de se faire peur, on le sait. Car même s'ils ont perdu 4 fois face aux Néo-Zélandais en Coupe du Monde depuis 87, ils ont aussi su gagner. Et de quelle manière ? On se souvient d'un quart de finale de Coupe du Monde en 2007. Hein, et de ce haka néo-zélandais perturbé par l'avancée héroïque de nos joueurs qui n'hésitèrent pas à provoquer du regard les diables en noir. Ceci dit, à l'époque, on avait un certain Sébastien Chabal, hein, sorte de Captain Caverne, pour ceux qui se souviennent du dessin animé, survitaminé au couscous ou à la rage, et capable de sortir de sa barbe toute une sorte de plaquage, de tampon, de rafut, pour ne pas dire de plaque dans la gueule. Et bref, du couscous aussi. Et de couscous aussi. Il adore le couscous. Bref, on avait du répondant à l'époque. On avait du mental. La peur étant le moteur. Parce que la trouille, figurez-vous que ça s'alchimise. Ça se sublime. D'ailleurs, je rappelle qu'en physique, la sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, sans transition liquide. Rien à voir avec mon propos, mais enfin, soyez-en édifiés. Pour le match de samedi, la donne, mes amis, est différente. D'abord parce que les Néo-Z sont à peine entrés dans cette Coupe du Monde. Physiquement, ils sont très très frais. Et que nous, on a perdu pas mal de plumes dimanche dernier. Mais il nous reste donc la trouille. La trouille, celle qui fait courir le coq une fois qu'on lui a coupé la tête. Une peur post-mortem qui fait revenir à la vie le temps d'une échappée sanglante qui voit le prédateur dépossédé un temps. Sans French flair, sans beau jeu, donc à la française, parce qu'il a disparu, chers amis, il reste donc la trouille bleue, celle qui fait réagir, celle qui réveille les instincts de survie. La France n'est jamais aussi dangereuse que lorsque on la donne perdante. Alors soutenons que rien n'est perdu, chers amis, rien n'est perdu. Et imaginons un samedi glorieux au son d'une Marseillaise harmonieusement tonitruante qui couvrirait le haka primordial et linéaire. Ah, on a hâte d'y être, hein, comme avant une soirée électorale finalement. Hein. Après de longs mois où on se serait amusé à se faire peur. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a besoin de se faire peur. J'ai envie de citer un poète maori qui n'existe pas, que je viens d'inventer. En conclusion, et qui un jour aurait pu écrire « Les gars, sortez-vous le doigt si vous ne voulez pas perdre tout à fait la main ». Oh, ouh. Samir Bouadi. Moi, je vais vous faire aka. Oui, c'est bien ça. Hein, c'est très bien. On prend. La Marseillaise en aka. C'est quoi, Samir Bouadi? Mais super. Vous tenez un concept, Nicole Croisi. Magnifique. Mais bien sûr, mais pourquoi pas? Samedi, on est au milieu de la pelouse. Voilà, et c'est comme ça. Non, elle peut pas, c'est 20h. Ah, c'est 20h. Juliette Arnault, ça vous dit The Libertines and Pete Doherty? Toujours Pete Doherty. Oui, ouais, Pete Doherty. Vous savez quoi, Samir a été bon, alors je dis qu'il est au Petit Palais des Glaces avec le CV en ce moment. Oh, mais oui, c'est 20h. À 20h, tout le monde à 20h, allez hop, jusqu'à 18h. Woke up again to my chagrin. I'm getting sick and tired of feeling sick and tired again. I tried to write, cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Got to find a it's always the same melody to ease the panic and the suffering. I woke up again, dreamt the gun, got again to my evil twin, the mirror's ugly and- sick and tired of looking at him. Been up all night, I probably picked a fight. Cause I can't help it, I'm a b***h in the morning. So they try to write, I think I have the right. A little drinky now and then to help me just to see the light. Just another day, it feels like nothing's changed. Gadine, c'est The Libertines et Pete Doherty sur France Inter. Tiens, et en parlant de musique, Nicole Croisy, oui. Vous avez envie de faire un petit coucou à quelqu'un qui nous écoute depuis la Belgique? Oui, alors justement, puisqu'on est entre Belges. Oui, personne n'écoute en France. Ah non, mais moi, non, puis c'est pas ça, mais moi j'adopte le pays où je trouve que les gens sont sympas. Donc quand je vais au Québec, je suis québécoise. Et quand je vais en Belgique, je suis belge. Et quand vous allez en Allemagne? Et... hein, quand vous allez en Allemagne? Je ne vais pas souvent en Allemagne, donc je ne peux pas dire. Mais donc, qui est cette personne qui nous écoute? Toots Thielemans, ce musicien exceptionnel qui a fait le tour du monde avec un harmonica. C'est le type qui peut voyager le plus léger possible. Voilà. Et donc on son instrument est dans la poche. C'est vrai. Son instrument musical. Il y a vous aussi avec poche. Votre voix. Vous n'avez pas besoin de trimballer grand-chose. Non, mais il me faut les musiciens quand même. Ça, c'est pas... ça. Nicole Croisy est avec nous. Lui, il est absolument exceptionnellement aujourd'hui parce qu'il joue à Nantes toute cette semaine. On l'entendra demain en direct de Nantes. C'est Guillaume Meurice, n'est-ce pas Guillaume? Effectivement, Charline, moi je voudrais rendre hommage aujourd'hui à ceux qui nous nourrissent tous les jours, ceux qui nous nourrissent de pesticides, d'hormones de croissance, d'engrais chimiques. Alors nous, à Radio France, ça nous fait pas peur parce qu'on mange à la cantine de la maison de la radio. Donc si on est encore vivant, c'est qu'on peut a priori résister à tous les aliments. Il n'y a pas de souci avec ça. Je le confirme. Voilà. Mais aujourd'hui, je veux donc vous parler des agriculteurs et pas n'importe lesquels, hein, pas ceux de la Confédération Paysanne, là, ces gros ringards qui font du bio pour les bobos parisiano du Pont Monod. Non, moi, je veux vous parler des agriculteurs qui appartiennent à la FNSEA, le syndicat majoritaire de la profession. Ils s'étaient réunis, hein, donc on l'a dit, aujourd'hui à Paris, place de la Nation, et ils étaient venus avec tout leur soutien. C'est le cas de la première personne que j'ai interrogée. Pourquoi ce brave homme était-il venu? Parce que je soutiens les agriculteurs bretons. Qu'est-ce qu'ils demandent alors, concrètement? Je ne sais pas, exactement, mais ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, monsieur. Et ils ont raison. Et puis voilà, ils ont raison de quoi, alors? De manifester. Mais pourquoi? Non, je ne sais pas exactement, mais bon, je ne vais pas vous dire plus. Hein. Voilà, donc lui, il ne sait pas, mais il était là quand même en soutien à la lutte pour... bon, on ne sait pas, mais il était là. Il est solidaire. Oui, il est solidaire. Ah, d'ailleurs, si vous cherchez des gens dans les manifs, voilà, invitez-le. Bon, pas forcément comme porte-parole, mais pour faire du chiffre, il est efficace. Alors, les revendications, je vais vous les dire. La première, les agriculteurs de la FNSEA veulent moins de normes. Ils sont, selon eux, assaillis de règles dévastatrices. Alors, laquelle, selon cet agriculteur, cette fois, est la plus contraignante? Comme ça, à brûle-pourpoint, il n'y a pas de normes prioritaires. Il n'y a pas de normes prioritaires. C'est au quotidien, tous les jours, qu'on nous impose des choses, etc. Enfin, bon. Un exemple. Bon, ben, je vous laisse, hein, parce qu'il faut qu'on... je ne saurais pas mon exemple, alors. Non. Vous en avez un, quand même, ou pas? Oui, il y en a plein. Mais il y en a plein, mais là, il ne se souvenait plus très bien. J'avais vraiment compris, à la fin, il a dit une histoire de millefeuilles. Bon, peut-être le lobby des pâtissiers, j'en sais rien. C'est pas très clair. Alors, j'ai cherché des précisions auprès d'un autre agriculteur. C'est un peu toutes les normes qu'on a sur les nitrates, toutes ces choses-là. Quoi. C'est chiant de ne pas pouvoir polluer tranquille. Quoi. Mais polluer tranquille, non, parce qu'on ne pollue pas. On veut produire tranquille. Ah oui, c'est ça. Les vrais écologistes, c'est nous. D'accord. Alors, heureusement qu'il précise, parce que ce n'est pas évident hein, au premier abord. Un mec qui veut balancer des nitrates tranquillou, bon, on ne se dit pas immédiatement, tiens, ça doit être le directeur de Greenpeace. On serait plutôt dans une vision de l'agriculture à la Jean-Vincent Placé. Hein, ouais. Pardon, alors je m'excuse auprès des ours blancs, hein, bien sûr. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on parle de Jean-Vincent Placé, un ours blanc se suicide quelque part dans le monde. Repose en paix, gros, on pense à toi. Et restons avec cet agriculteur, mais passons désormais au principal ennemi désigné de la FNSEA, l'Europe, la responsable de toutes ces normes. Alors, est-ce à dire qu'il se considère comme un anti-européen ? Anti-européen ? Oh non, non, non. Anti-européen, non, non, non, parce que l'Europe m'amène un peu d'argent chaque année. Ah, voilà. Après, bon, d'ailleurs, c'est... Je pense que c'est plus de la moitié de mon revenu. Voilà. C'est la seule raison pour que je suis d'accord avec quelques principes de l'Europe, mais par contre, on est contre de toutes ces contraintes et toutes ces... Voilà, quoi. Ouais, voilà. Donc l'Europe, c'est tout pourri quand c'est contraignant, mais ça a quand même quelques aspects sympatoches, hein, surtout s'il y a un petit billet à se mettre de côté. Ça, c'est plus clair, par contre. Enchaînons avec la principale revendication de tous ces agriculteurs, les prix. Ils en ont marre d'être soumis aux fluctuations des cours internationaux et aux pressions des marchés, d'où ma question à cet autre agriculteur. Bah, à vous entendre, on a l'impression que vous êtes contre la logique libérale. Non, bon, faut pas dire ça. Vous allez, ça va être mal interprété par les médias. Vous vous considérez comme un libéral économiquement ? Oui. Oui. Bah, donc vous êtes pour la libéralisation des prix ? Dans un sens... non, ça va être mal interprété. Non, c'est pas impossible que ça soit mal interprété, hein, si tu dis que t'es contre, vu que la FNSEA, c'est le syndicat assumé ultra-libéral, avec à sa tête un certain Xavier Belin. Pour ceux qui connaissent pas Xavier Belin, c'est un physique de membre de boys band à la retraite, avec le cerveau de... Bah, d'un membre de boys band à la retraite. Donc, en résumé, à la FNSEA, ils veulent moins de normes et de contraintes pour eux, mais plus de normes et de contraintes pour les autres. Mais alors, loi du marché ou pas ? C'est la loi du marché. Oui, non, mais bon, on n'a pas le droit de faire crever les gens quand même. Oui, mais ça, c'est la logique libérale, non ? Oui, c'est sûr. Mais bon, mais le... Comment ? Vous me piégez, là. Mais non. Erreur, c'est pas moi qui le piège, c'est eux-mêmes qui se piègent en soutenant ceux qui font semblant de défendre les intérêts des paysans modestes, ceux qui, parmi toutes les lois qui régissent la nature, n'en ont retenu qu'une seule, la loi de la jungle. Guillaume Meurice, qu'on retrouvera demain en direct. Pour l'instant, nous sommes avec Nicole Croisi. Vous avez trépigné pendant ce reportage. Vous êtes axée sur le bio, vous. Ah oui, oui. Moi, j'ai commencé il y a très, très longtemps, quand on avait peut-être un ou deux magasins dans Paris pour aller se fournir. Donc, il fallait traverser Paris pour aller chercher du pain. Mais du pain avec de la farine bio. C'était la vie claire, puis... c'est ça ? Bah, oui. Ouais, c'est ça. Bah, oui. Mmh. Je suis pas toute seule. Oh, mais donc, vous êtes très bien. Mais... Oh, bah, en tout cas. Non, mais la plupart des femmes qui sont dans le métier du spectacle, c'est-à-dire dans l'image. Des belles femmes. Dès qu'on est dans l'image, il faut qu'on. Quel se spectacle, Alex Vizorek ? Quel spectacle ? Irma Lagomont. Théâtre de la Porte Saint-Martin avec Nicole Croisi qui est avec nous jusqu'à. J'ai une autre info. Il y a la dîner à 17h le samedi. 17h le samedi. La reine de la promo était avec nous, c'est Nicole Croisi. Prenez des notes, les garçons. Sujet 2, Nicole, imaginez un catalogue qui propose à l'achat non pas des jouets, pas des vêtements, mais Nicolas Sarkozy, oui, ou le cuisinier Thierry Marx, ou le philosophe André Comte-Sponville, ou des sportifs, avec une large gamme de prix pour des conférences et des médias training afin d'augmenter les performances de votre entreprise. Et vous savez quoi ? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été, au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Un message à caractère informatif. Alors, François Fillon, l'ancien champion de ski Edgar Gros-Piron, il y a aussi Nicolas Sarkozy ou Thierry Marx. De nos jours, ce sont eux, les conférenciers, que les gens vont voir. On peut les louer sur catalogue. Il y a un catalogue avec leur comme les artistes. Photo, etc. Oui. Ah oui, oui. Mais voilà, c'est révélateur. On a des agents. Mais ça fait une soirée de Noël moins sympa quand même que, je sais pas, Dalida. Non, mais attends. À savoir de quoi ils parlent dans les conférences. C'est ça le truc. Alors, c'est pour galvaniser les cadres. Alors, je vous donne un exemple. Il y a Edgar Gros-Piron qui s'inspire des stand-up aux États-Unis pour faire des conférences et un peu des shows comme ça pour galvaniser les cadres qui sont un peu déprimés. La dernière fois, ça s'est fini devant le congrès annuel des vendeurs de fruits et légumes. Séance de motivation de groupe, 1 heure, 6 500 euros, avec les selfies compris dans le lot. On est à une époque où on a besoin d'être coaché tout le temps, non ? Du coup, on cherche son coach sur son catalogue. Je sais, c'est... Je sais pas, il y a un genre de laisser tomber les bras et puis se rappuyer sur quelqu'un d'autre qui va vous apprendre à faire ce que vous savez pas faire. Et vous prendre du fric surtout, non? Oui, non mais oui, sans savoir si la personne sait exactement de quoi elle parle, mais c'est, je crois qu'on a besoin d'être pris en charge, on a besoin de câlins. Et alors, comme les câlins, c'est moins ça cher, se vend ça pas. Moins cher. Hein, ça se vend pas les câlins. Là, si, Nicole. Mais oui, mais enfin pas oui. Les bons. Enfin, oui, si. Enfin, oui. Non. Oui, non. C'est, oui. C'est, non, je vois ce que vous voulez dire. Mais n'allons pas par je là. Je sens qu'on rippe sur le sujet là. Il y a aussi ce plaisir pour les entreprises de voir quelqu'un de connu qui vient lui parler. Quand vous, peut-être, vous allez chanter pour ça vous est sans doute arrivé d'aller chanter. Ah, mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai des très belles chansons à chanter. Donc, on sait déjà ce qu'on achète. Ça, c'est vrai. Moi, je veux bien assister à une conférence de Sarkozy pour voir de quoi il parle. Nous aussi, on en a. Hein, ça, bah, nous, on a pour intrigué. Voir de quoi il parle. Bah, moi, j'avais vu comme ça Daniel Herrero, l'entraîneur de rugby. C'est le pionnier du genre, oui, hein, des conférences. Eh ben oui, mais c'était assez intéressant parce que c'est un entraîneur de rugby, donc pour des gens qui éventuellement sont amenés à devoir travailler en entreprise, c'est pas idiot. Et puis il est formidable en plus, lui. Mais c'est un intellectuel. Oui, vous voyez le. En tout cas, si vous voulez approfondir le sujet, je vous renvoie à Secret d'info du 18 septembre, l'émission de Mathieu Aron et Jacques Monin le vendredi à 19h20. Hein, cette émission qui détaille, parce que c'est un continent à découvrir, ce sujet, je vous assure. Non, mais vraiment. À cette heure-ci sur France Inter, 17h46, c'est le moment de Juliette Arnaud. Alors, je vous laisse le micro. L'œuvre California Dreaming. Ah. L'auteur, Pénélope Bagieu. Le poids, 934 grammes. Oui, ça fait presque le kilo. Pourquoi ? Parce que c'est un roman graphique. Alors, qu'est-ce que c'est un roman graphique, hein ? Il faut préciser. C'est une BD, mais non, c'est pas pour les enfants. Hein. En gros, c'est pas le journal de Mickey ou Boule et Bill dans la gangrène. Hein. Non, ça n'existe pas. Ce roman graphique-ci, California Dreaming, répond à la question suivante. Comment passe-t-on de Mademoiselle Hélène Cohen, fille d'épicier, deuxième génération d'émigrés juifs polonais from Baltimore, banlieue, un coin où les hivers sont plutôt rudes et oui, où on rêve de soleil californien, à la célèbre seconde voix qui fait de California Dreaming un tube mondial et éternel, j'ai nommé Mama Cass. Chantez, Juliette, chantez. Non, pas sur Mama Cass. Alors on commence par une enfance sans luxe, mais pleine de musique, de frères et de sœurs. Un papa qui se rêvait chanteur d'opéra et qu'elle adore. Une maman qui a été un peu chanteuse dans un groupe de jazz et qui tient la baraque. Hélène, c'est une petite fille qui est grosse. Elle a des fesses d'hippopotame, comme lui dit sa peste de petite sœur. Et Hélène, le soir, avant de s'endormir, elle se rêve chanteuse célèbre. Et c'est ce qu'elle confie le soir dans l'oreille de son papa qu'elle adore, quand il l'embrasse pour l'endormir. Et là, on arrive sur mes cases de la BD préférée. C'est des deux cases qui sont toutes en noir, parce que c'est la nuit dans la chambre des petites sœurs. Et on entend la petite sœur qui a entendu Hélène dire à son papa « Quand je serai grande, je serai une chanteuse célèbre. » Et sa sœur lui lance « Ouais, tu seras une grosse célèbre. » Dans le noir, toujours, bulle d'Hélène qui répond « Ta gueule. » Ce qui fonctionne toujours très bien, mais qui est un peu court peut-être. Alors, dans la case d'après, toujours toute noire, nouvelle bulle émanant d'Hélène qui dit « Je serai la grosse, la plus célèbre du monde. » Et c'est ce qui est arrivé. Nos amis anglo-saxons ont une phrase pour ça. Ils disent « Be careful what you wish ». En bon français, méfie-toi de ce que tu souhaites, ça pourrait bien t'arriver. En tout cas, ce qui est arrivé à Hélène Cohen, entre-temps, elle est devenue Cass Elliot, ça c'est le nom de scène qu'elle s'est choisi, et puis elle est devenue Mama Cass lorsqu'elle intègre le groupe The Papas and the Mamas. Le récit de Pénélope Bagieu nous mène de l'enfance au premier succès. Le premier succès, c'est California Dreaming, et comme l'idée, c'était pas de faire une biographie Wikipédia, mais une sorte de vision fantasmée, et bien Pénélope Bagieu, elle nous raconte Mama Cass vue par différents narrateurs, forcément subjectifs, sa sœur, son frère, un pote de lycée qui est aimanté par son charisme et ses qualités de clown, sa prof de chant interloquée par le pouvoir de sa voix, et son énorme présence sur scène, sa copine Sharon qui s'inquiète des quantités industrielles que Mama Cass ingurgite. Food is not affection, comme disait Rachel à Monica de Friends. Oui, moi aussi, Charline, j'ai honte de mes références. Et tous ces gens racontent une fille irrésistible. Drôle. Par exemple, quand elle n'est pas invitée à une fête à son lycée, bah c'est pas grave, elle en fait une chez elle dont le thème est fromage et nudité. J'adore. Une fille généreuse au point d'épouser un pote pour lui éviter la guerre du Vietnam et qui désire par-dessus tout être aimée. Lorsque grâce à cette chanson California Dreaming, elle devient fabuleusement célèbre, bah elle est toujours drôle, elle est toujours blindée de charme, d'énergie et d'optimisme, mais elle est toujours grosse. Mais vraiment grosse. et avec une tendance fâcheuse à tomber amoureuse de garçons qui ne veulent pas d'elle autrement que dans le rôle ingrat de la bonne copine. Et ça, c'est compliqué quand on tombe amoureuse du chanteur du groupe, Denise Doherty, qui lui n'a Dieu que pour Michelle Phillips, hein, l'autre chanteuse du groupe, celle qui a une voix bien moins puissante et intéressante, mais qui est blonde, mais qui est parfaitement ravissante, mais qui est mince. Et alors, qu'est-ce qui reste ? Bah, il reste... Il reste la musique, sa musique à elle, qui aide à faire son chemin avec les autres, au milieu des autres, et parfois, il faut bien le dire, malgré les autres. Juliette Arnaud, merci. Tout en musique. Des thèmes qui vous parlent, Nicole Croisy? Ah bah oui, oui, évidemment. Bah, évidemment. Ah oui. Nicole Croisy, qui est où, Alex Vizorek? Mais bien sûr, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. À 20h. Il y a 17h le samedi, il y a Romain Ladoux. Merci. Il faut dire que vous êtes beaucoup je sur scène. Je sens que vous voulez que je m'arrête de parler. Mais non, maintenant, vous... mais c'est bien, allez-y, balancez les infos, c'est pour ça que je suis là. Ah, on croyait que vous étiez venu pour nous. On en a pris de la graine. Hein. C'est... Nicole Croisy, notre conférencière du jour pour apprendre à faire une bonne promo. C'est ça. Et que les gens retiennent quand il faut aller et où. Voilà. 60 ans de métier. Ah bah, ça, et voilà. C'est long. Mais vous ne le faites pas. C'est long. Nicole Croisy, on a choisi un troisième sujet de fond pour vous. Ah. Les roues qui ont décidé de se réunir entre eux. Écoutez, ça fait une double page dans Libé, donc voilà, on a estimé que c'était un sujet. Oui, notre semaine. Les roues ont décidé de se réunir entre eux. Ça a commencé à Lyon, des apéros roues, et figurez-vous que ça existe dans toute l'Europe. Et se réunir entre roues, ça ne date pas d'hier, écoutez. Il lui dit, je m'appelle Rousseau, je suis roublard, mon petit coco. Elle répondit, l'air coquin, je me nomme Thérèse Rouquin. Elle avait des cheveux roux partout, des cheveux d'un roux doudou. Et pour fêter leur union, ils burent du roussillon. Pour leur plaire, même leur rôti sentait le roussi. Comme le Larousse, il Fernandelle, oui. Alors, comme l'indique cette chanson de Fernandelle, les roux intrigués. Et comme l'indique ces apéros aujourd'hui où ils se retrouvent, ben ça continue à intriguer. Ben finalement, notre société, elle progresse pas tellement sur les clichés. Hein. On est toujours. Oui, mais enfin, ce sont des vrais roux ou des faux? Alors, fait tout l'objet du débat de la semaine. Bon. C'est pas clair. Je vais vous dire parce que. Eh bien oui, la réponse est oui. Oui, parce que je veux dire, on débat depuis hier là-dessus. Ah, c'était pas pour rigoler. C'est dans Libération daté d'hier. Et effectivement, si vous avez une perruque rousse, vous pouvez vous mêler à eux. Donc ils sont ouverts. Ah oui, ils sont très ouverts. Hein, bah, parce qu'ils sont pas très nombreux, faut quand même le dire. C'est quand même une histoire de génétique étrange. Vous posez la bonne question. Hein. Exactement. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de la population? Non, j'ai pas d'idée. Ce que je sais, c'est que les mômes à l'école, ils se font toujours foutre de leur gueule parce qu'ils sont roux. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Et c'est pour ça qu'ils se réunissent entre eux pour rigoler entre eux de cela. Se faire des câlins. Oui, bah on rigole tout. Bah on revient à ça. Mais oui, voilà. Donc combien de pourcents de roues? 2% de la population mondiale. Ah oui. Surtout concentrée en Europe de l'Ouest. Il serait quand même 13% en Écosse, 10% en Irlande et seulement 5% en France. En Angola? Et aucun en Afrique. Ouais, dans le même temps. Ah là là. Mais oui, il y a une géographie du roux, figurez-vous. Alors, je vous donne une information moi, qui m'a amusée dans cet article, qui est daté d'hier, hein, dans Libé. En septembre, il y a un roux qui s'appelle Marc Colborne, 37 ans, qui a été reconnu coupable d'avoir préparé une action terroriste visant à éliminer les princes Charles et William. Ah, pourquoi ? Pour Harry ! Mais oui, pour que le prince Harry roux lui aussi puisse accéder au trône. Hein, l'affaire ayant entraîné quelques pathétiques délires sur un prétendu extrémisme roux. Donc Alex Vizorek, dans vos sketchs d'entrée de cette émission, vous n'aviez pas tout à fait tort. J'étais loin en dessous de la réalité. Voilà. Et ensuite, il y a aussi quelque chose un petit peu plus, enfin, qui est quand même plus dramatique, c'est qu'en 2011, la plus grande banque de sperme du monde avait annoncé qu'elle ne prendrait plus de donneurs roux faute de demande suffisante. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez quoi, il y a quand même une discrimination. Alors que les demoiselles roux sont très très belles, Alex. Ah, mais non, mais il faut le dire, parce que sans doute quand elles sont jeunes, elles sont moquées, mais une fois que c'est très beau, c'est le cheveu. La peau, la couleur de la peau des roux, les roux ont une peau très très claire. C'est très cinégénique en plus. Les hommes roux sont beaux aussi. Quand mais on change de couleur ou qu'on met une perruque, j'avais pensé à devenir rouge quand ça marchait pas pour moi. Ah, c'est vrai? J'ai essayé à un moment donné, mais c'était un roux un peu foncé. Puis c'est ça n'a rien donné, je suis redevenue blanche. Ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Bon, écoutez... Mauvaise décision au mauvais moment. 60 ans de métier. Nicole Croisy. Alors, je pense qu'Alex Vizorek a une proposition malhonnête à vous faire, Nicole. J'ai un rôle à vous donner. Plus elles sont malhonnêtes. Bah, écoutez, avec ce que je fais en ce moment, Tous les jours à la fin de cette émission, il y a un sketch sur l'actualité. Et aujourd'hui, le sketch nous emmène en Arabie Saoudite où Manuel Valls est parti avec 128 chefs d'entreprise. Ah oui. Vous êtes, Nicole Croisi, une chef d'entreprise. Samir Bouadi est également dans la délégation. D'accord. Et moi-même, je vais faire Manuel Valls en avant, direction l'Arabie Saoudite. Bon alors les amis, les affaires sont bonnes, on a bien fait de venir. Bref, comment vous dire, pour moi ça va pas fort. Hein. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je comprends rien, ils veulent rien m'acheter les Saoudiens. Vous présentez qui? La firme Justin Bridoux. Ah bah voilà, mais personne n'a fait ses recherches avant de venir, mais après faut pas s'étonner que l'industrie française aille mal. Mais nous, à Airbus, ça va pas trop mal. Ah, encore heureux, on est sur le point de leur vendre plusieurs hélicoptères. Bon, Justin, il faut adapter vos produits mon gars, qu'est-ce que vous vendez? Eh bien par exemple, on fait du saucisson aux noisettes, il y a deux variantes. 20% noisettes ou 40% noisettes. Eh ben c'est ça, très bien, faites du 100% noisettes. Ah oui, mais donc sans saucisson. Quoi. Exactement, paf, Manuela, hop, c'est bon, il sauve l'entreprise. On y va. Nicole, c'est à vous. Non, mais vous êtes fort, Manu. Oh là là, moi j'étais fascinée. Vous êtes fort, Manu. On doit être à plusieurs milliards de chiffres, là. 10 milliards, Nicole. 10 milliards d'euros de contrat et c'est pas fini. Ah, ça se fête, faut fêter ça. Oh, allez, champagne. Ah, est-ce qu'on peut emprunter un sabre à quelqu'un pour ouvrir la bouteille? Bah, s'ils en ont pas ici, je comprends pas. Hein. Mais au pire, on a le patron de la gueule qui est avec nous, alors on vend. Ah, c'est vrai qu'ils décapitent leur femme par ici. Hein. Mon Dieu, mais décapiter sa femme, ça, c'est une horreur. Hein. Oh, ça fait de vous un veuf cliquot. Non, mais je crois qu'il boit pas de champagne. Pas non plus. Eh ben, ça leur ferait du bien pourtant, eux qui ont des serviettes sur la tête pour les faire tourner de temps en temps. Quoi, les têtes? Mais non, les serviettes. Oh, oh, c'est vrai que vous ne parlez pas beaucoup des droits de l'homme pendant votre visite. Alors, hein. Il s'agirait pas d'irriter le client, Nicole. Ouais, mais c'est moche, tout de même, on est censé être le pays des droits de l'homme, quoi. Non, mais il va falloir nous foutre la paix avec ça. La France a inventé les droits de l'homme, c'est pas pour autant qu'elle est le meilleur représentant. C'est vrai, ça. Regardez les Belges, ils ont inventé saxophone. Ah, et c'est pourtant pas le pays du jazz. Oui, mais j'entends bien, mais ils veulent pas fabriquer des trucs eux-mêmes, plutôt que de tout importer. Comme ça. C'est ça notre grande chance. Les Saoudiens, c'est un peu comme les gosses que leurs parents ont laissés seuls à la maison avec trop d'argent de poche. Plutôt que de se faire un gratin, ils vont se faire livrer des pizzas tous les soirs, voyez. Et ils nous prennent même un supplément fromage. C'est ça. Ouais, mais pas de salami. Hein. Eh non. Quelle actrice. Impeccable. Qui est-ce qui a écrit ça? C'est vous. Eh ben, il est derrière moi, je vais le dénoncer. C'est Charles Nouveau, notre co-auteur suisse de la semaine. On n'a pas le droit de dire que le ah, il va se faire engueuler en live. Ben tiens, on n'a pas le droit de dire que la Belgique n'est pas le pays du jazz. Et qu'est-ce parce que l'exception est là. Il y a des solistes extraordinaires. Il y a très bon jazz. C'est toutes. Oui, mais il n'y a pas que lui. Enfin, quand on dit jazz, excusez-moi, mais on ne va pas tout de suite à Namur. Ah ben si, on a un jazzman belge très très connu dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais là il est là. David Links. Oui, enfin, voilà. Il chante formidable. Attendez, quand même, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Mon ami suisse et moi, on va y aller. Et on vous laisse avec votre débat sur le jazz. Merci beaucoup, Nicole Croisi. C'était un bonheur de vous avoir avec nous. Vous êtes Irma la Douce. 20h. Comédie musicale d'Alexandre Brefort. C'est tous les soirs à 20h au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et le samedi. Je suis maman. Oui, vous êtes maman. Je ne suis pas Irma la Douce. Attention, je suis maman. Attention, comme ça, on a redit Irma la Douce. Et c'est encore mieux. La Porte Saint-Martin avec Nicole Croisi. Allez, le mot de la fin. Je mets pas autant de promos. À propos du catalogue des conférences, voilà, qui propose des interventions à 23 000 euros de François Fillon. Marquet aurait pu avoir pire et a pu choisir un collaborateur de François Hollande.